Waebrania 7 mstari wa 1 mpaka 12. Ndio. Tutaomba. Waebrania 7 tuko na soma. Tutaanza pa mstari moja jusqu'au verset 12. Tutaenda paka 12. En effet, ce Melchisedec était roi de Salem. Na huyu Melchisedec qui alikuwa mfalme wa Salem. Sacrificateur du Dieu très haut. Mukuani wa Mungu aliye juu. Il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi. Il est béni. Wakati Abraham aliporudi kushinda wafalme, Melchisedeki akaenda mbele yake na kumbariki. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Na Abraham akamletea chekumi ya vitu vyote. Il est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom. Sawa sawa na maana ya jina lake, yeye ni mfalme wa haki. Ensuite roi de Salem. Kisha di roi de paix. Mfalme wa Salemu maana yake mfalme wa salama. Il est sans père. Yeye ana na baba. Sans mère. Ana na mama. Sans généalogie. Ana tala kizazi. Il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Yeye ana na mwanzo wa masiku wala mwisho ya uzima yake. Mais il est rendu semblable au fils de Dieu. Lakini yeye anafananishwa na mwana wa Mungu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Na yeye Melchisedec anabaki kuhani milele na milele. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Mwone bukubwa wa huyu mtu ambaye baba yetu Abraham alimletea chekumi ya vitu yake. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Kama vile watoto wa Lévi kufuatana sheria weko na ruhusa ya kutosha chekumi juu ya taifa. C'est-à-dire sur leurs frères. Maana yake juu ya ndugu zake. Qui cependant sont issus de rein d'Abraham. Ijapokuwa ndugu zake walitoka mkifua ya Abraham. Et lui ne tirait pas de son origine. Il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Na huyu Melchisedeki akutokea mkifua yabo, lakini alitoa chekumu yake na aliwabariki. Il bénit celui qui avait les promesses. Aibariki yule alikuwa na malaka. Oh, sans contredit, l'inférieur est béni par les supérieurs. Na bila shaka wa chini anabarikiwa na mwenye kuwa juu. Et ici ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Na mumwili bene kuleva chekumi pa bantu ni bakufwa, lakini huyu anashuhudiwa kuya hai. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Na hivi Lévi mwenye kuchukua chekumi alilipa hivi kusema kupitia Abraham. Car il était encore dans le rein de son père lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Sababu Lévi alikuwa mkifua baba yake wakati ambaye Melchisedec alienda kukutana na Abraham. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoce lévitique. Kama ukamilifu uliwezekana kupitia kikuhani cha Walawi. Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Était-il encore nécessaire qu'apparaisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Et tu crois à ma faou qu'on a quand même été mwingine kufatana na kiza na Melchisedec kuliko kufatana na kizazi ya Aroni, kufatana na sheria ya Aroni? Car le sacerdoce étant changé, ça va dire quoi qu'il badirika, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Na ni lazima masiria na yo ipate kubalidika. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu abariki usomi ya maneno lake. J'aimerais attirer l'attention de chaque frère et de chaque sœur pendant qu'on commence ce long enseignement. Na penda kufuta ngalisho ya kila ndugu kila dada wakati tunaanza mafundisho ya mrefu. Tout chrétien sérieux, mon Christ wote mwenye kuvua vitu na moyo wote, qui désire comprendre exactement les choses de Dieu, ule nataka elewe vizuri vizuri vitu ya Mungu, et qui voudra y marcher sans heurte, na atapenda tembee mvitu ya Mungu bila kukwala, prendra tout son temps aussi pour écouter ce que le Seigneur a à lui dire. Atabeba wakati yake yote apate kusikiliza ile Bwana konayo ya kumweleza. C'est pourquoi il est très important que chacun de vous soit régulier à l'église. Nayo ni mafao sana kila mmoja wenu akuye kwa kila siku kanisa. Et cela vous permettra d'avancer avec nous ensemble pour que toute confusion soit ôtée. Na ite turusu tutende pamoja ili mvutushu yote ipate kuondoka. Pendant que nous parlons de la sanctificature, wakati tunasemea juu ya kikuani, dans lequel nous parlerons beaucoup, sur beaucoup de choses, na mule utasemea tena vitu mingi. Il est bien vrai que nos églises locales dikweli ont failli dans beaucoup de choses. Mkusema makanisa yetu inakosa au iko na makosa mingi mvitu ya mingi. Lorsqu'on considère, on les considère vis-à-vis de la parole, tukibeba tu makanisa kirudisha mu mistari ya neno, et vis-à-vis de la manière dont elles sont gérées par nos bergers, na tukibeba makanisa namna vinayongoza kupicha wachungaji, il y a beaucoup de choses qui échappent à l'église. Bitu bya mingi biko naenda nje. Ça échappe. Bina kosa mkanisa. Parce que ceux qui devaient enseigner correctement l'église sur ces choses, ju wala ipaswa kufundisha sawa sawa kanisa yule ya maneno haya, ne le font pas. Wao hawafundishi. Les autres font des compromis, bien oui, qu'ils connaissent la vérité. Wengine wanafahamu ukweli lakini banaanza kufuata baada ya mapatano. Et les autres par ignorance sont plongés dans les grands désordres. Na wengine kwa kukosa kufahamu walijitumbikiza mfujo mkubwa. Mais l'église de Dieu vivant, nayo kanisa Mungu aliyehai, ne doit pas souffrir. Aiwezi kateseke. L'église du Dieu vivant, kanisa ya Mungu aliyehai, doit être enseignée correctement et clairement. Yanapasha ifundishiwe waziwazi na vizuri. Sur toutes choses et sur tous les points. Yulu ya maneno yote na yula manukta yote. Et quand la parole de Dieu est apportée, na wakati neno la Mungu na ubiriwa, tout le monde doit se plier. Watu wote wanapaswa kunyenyekea. Tout le monde doit se soumettre. Watu wote wanapaswa wati. À la volonté de Dieu révélée. Kwa mapenzi ya Mungu yenye kufunuliwa. Et à la vérité exposée par le Saint-Esprit. Na kwa ukweli ya kutoka kwa Roho Mtakatifu. Si une église ne peut pas supporter la vérité lorsqu'elle est apportée, et qui wa kanisa haiwezi kuvumilia ukweli wakati naubiriwa, lorsqu'une église ne peut pas supporter toute la vérité de la parole lorsqu'elle est apportée, wakati le kanisa haiwezi kuvumilia ukweli wote ya neno wakihubiri, il y a quelque chose de faux quelque part avec cette église. Toute la parole de Dieu doit être apportée dans sa totalité à l'épouse. Inabidi maneno yote ya Mungu ya ubiriwe katika ukweli ya yote kwa bibi harusi. Toute la vérité de la parole doit être apportée à l'église dans toute sa liberté. Ukweli yote ya neno inapaswa kuhubiriwa kanisa katika uhuru yote. La parole de Dieu ne doit pas être taillée à la mesure de prédicateurs. Neno la Mungu haiwezi ichongewe mkipima wa ubiri. Ou à la convenance des conducteurs ou des pasteurs. Ah oui, ma monsieur et tout, mukona pa wachungaji ya waubiri. Non, bien aimé frère et soeur. Apana. C'est ce qui rend la marche de l'épouse difficile actuellement. Ni ile nafanya sasa mwenendo ya bibi harusi inakuwa ya mvunguvu. Parce que toute la vérité n'est pas apportée dans sa totalité et dans sa liberté. Sababu kweli ayubiriwe katika utele na katika huru. Il y a trop de compromissions dans ce qui est enseigné et dans ce qui est dit. Masilizane na kwa ya mingi mobile bana ubiri na bia bana fundisha. Et le peuple de Dieu ne sait plus que faire. Na pale taifa ya Mungu haijui cha kufanya. Mais il est de notre devoir. Nayo ni mapasha yetu. En tant que prédicateur, sawa wa ubiri. En tant que pasteur, sawa wa chungaji. De dire toute la vérité à l'église de Jésus-Christ. Ya kutangaza ukweli yote kukanisa Yesu Kristo. Dans Matthieu au chapitre 4, dans le verset 4, l'Écriture dit. Matayo ine mustari ya ine andiko nasema. Jésus répondit, il est écrit. Ni Yesu mwenye kujibia kwamba inaandikwa. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ya kwamba mtu ataishi tu kwa chakula tu, lakini kwa maneno yote kutoka mukinywa wa Mungu. L'époux de Jésus-Christ vit de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Bibi harusi wa Yesu Kristo ego naishi kupitia maneno kutoka mkinywa ya Mungu. Un véritable croyant ne vit pas d'une partie de la parole. Mwaminifu wa kweli aishi tu na nusu ya neno. Dans Actes des Apôtres chapitre 20, dans le verset 20, Matendo 26-27, Moussa 26-27, Paul dit aux anciens d'Éphèse, di Paulo na wazee wa ku Efeso, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Munafahamu ya kuwa mimi sikuficha kitu kwa yale yalikuwa mafao kwenu. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les synagogues et dans les maisons. Na mimi sikuogopa ya kumhubiri na kumfundisha waziwazi hata katika nyumba zenu. Tout ce qui est utile à l'église. Yote yenye kwa mafao kwa kanisa. À notre avancement spirituel. Juu ya maendeleo yetu ya kiroho. À la paix dans l'église. Yote inaendelea kwa amani mu kanisa. À notre croissance. Na ile naenea ndio kukomala kwetu. Ne doit être caché. Haiwezi kafichwe. Mais cela doit être publié publiquement. Iya tangaziwe waziwazi. Cela doit être enseigné partout où le peuple de Dieu peut se rassembler. Naïla veut se fondisher à faire yote tefa ya Mungu tawezi kusanyika. Pour que l'épouse soit avertie de ces choses. Kusudi bibi harusi afundishiwe kwa maneno haya. Paul continue et dit aux anciens. Anaendelea kusema na wazee. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Makumbini na sita ndio maana nimtangazia ninyi wote ya kwamba niko safi kwa. Car je vous ai enseigné, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Sababu nimtangazia shauri yote ya Mungu bila kuficha kitu. Il est indispensable. Ni ya mulimu ya mafao sana. Il est très important. Ni ya mafao sana. Que l'époux de Jésus-Christ ambayo bibi harusi wa Yesu Kristo reçoive la totalité de la parole de Dieu. Apate kupokea utele yote ya maneno ya Mungu. La parole de Dieu ne doit pas être falsifiée pour l'adapter aux caprices des prédicateurs ou des pasteurs. Neno la Mungu haiwezi katengenezwe juu ipate kufurahisha baubiri au watoto wa Mungu. Que ça soit dur ou pas, Aussi longtemps qu'elle est la vérité, elle mérite d'être enseignée. Elle mérite d'être reçue par les enfants de Dieu. Elle mérite d'être vécue. Par cela, c'est pour l'intérêt de Christ. Tout homme qui falsifie la parole de Dieu dans ses propres intérêts est un méchant. Éprouve suffisamment qu'il n'a jamais été appelé par le Seigneur. Dans 2 Corinthiens au chapitre 4, dans son verset 2, l'Écriture dit: nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Verset 2. Tunakatala mambo yote na kuna fanika katika siri na tunakatala mambo yote ya haya na tunetujitoa kwa mwenendo wetu safi mbele yenu. Nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Kwa zamiri yetu safi mbele ya Mungu. Notez cela dans vos cœurs. Mushike hii katika mioyo yenu. Avant que nous n'avancions, l'église du Dieu vivant, comme la colonne et l'appui de la vérité, nous devons y apporter que la parole de la vérité biblique. Tunapaswa kumhubiri paka neno la ukweli ya Biblia. Afin que les enfants de Dieu deviennent une habitation divine. Ili watoto wa Mungu wapate kuya makao ya Mungu aliye hai. L'église comme la colonne et l'appui de la vérité. Kanisa sawa vile nguzo la tegemeo la ukweli. On doit y apporter rien que la vérité de l'Écriture, la vérité biblique, afin que les enfants de Dieu deviennent une habitation divine. Si la vérité de l'Écriture n'est pas apporté dans l'église du Dieu vivant, les enfants de Dieu ne seront jamais une habitation divine. Dans 1 Timothée au chapitre 1, Timothée wa kwanja sura ya moja, dans son verset 3, 1 Timothée chapitre 1, wa Timothée wa kwanja sura ya moja, dans son verset 3 à 5, nous lisons: je te rappelle l'exhortation que je t'avais adressée à mon départ pour la Macédoine. Na ukumbusha maonyo yangu nilikupachia kumwanjo ya mikwenda kwa Macedonia. Lorsque j'ai engagé à rester à Éphèse. Wakati nilikuomba bakie kwa Efeso. Afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Ili upate kuagiza kwa watu wengine ya kuwa wasifundishe mafundisho mengine. C'est Paul qui parle à Timothée, son fils bien-aimé. Hapa ni Paulo anaeleza Timothée mwanake mpendwa. Il dit: souviens-toi de toutes les exhortations que je t'ai adressé comme à un fils. Si je t'ai laissé à Éphèse, c'est pour dire à certaines personnes qu'ils n'enseignent pas d'autres doctrines dans l'église. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Qui produisent des discussions plutôt qu'en avance l'œuvre de Dieu dans la foi. Il est en bas dans l'état tout mabubishi, pari pa kuendesha kazi ya Mungu katika imani. Lorsque la vraie parole n'est pas apportée dans une église, wakati neno la kweli ayubiriwe mkanisa, les croyants s'attachent à des fables. Ba minifu batabamba tu ni maadisi. Les croyants s'attachent à des généalogies. Mais la substance même de la vérité n'est pas dans ce groupe. La vie de Christ n'apparaîtra jamais parmi ses peuples. Mais les gens se lanceront dans des discussions inutiles. L'œuvre de Dieu n'avance pas dans les discussions. La parole de Dieu n'est pas prêchée pour qu'elle en soit discutée. La parole de Dieu n'est pas portée pour semer du trouble dans le peuple de Dieu. La parole de Dieu est apportée pour amener la vie. La parole de Dieu est apportée pour amener la paix. La parole de Dieu est apportée pour amener l'édification. Mais tout ce qui est contraire à la Bible et au Saint-Esprit, comme cela ne vient que de l'ennemi, cela produit des discussions inutiles. Cela engendre des tribulations dans le cœur des gens. Et quand les gens se tiraillent sur la parole, quand les discussions et les disputes sont engagées, l'œuvre de Dieu dans la foi ne peut pas avancer. Kazi ya Mungu yaendelea katika imani. C'est pourquoi Paul dit à Timothée. Nayo Paulo anaonyesha Timothée. Le but de cette recommandation, kifukujio ya maagizo hii, c'est un amour venant d'un cœur pur. Ni upendo kutoka kwa moyo safi, d'une bonne conscience. Na kwa dhamiri safi. Et d'une foi sincère. La imani yake. Quand un homme n'a pas un cœur pur, wakati moyo wa mtu haiko safi, il n'a pas une bonne conscience, wakati dhamiri ya mtu haiko safi, et une foi sincère dans la parole de Dieu, na wakati imani ya mtu ni ya haki mneno la Mungu, il va s'égarer dans des vains discours. Atedingiza toi les hypothèses mahutuba ya bule. Il va se détourner de la vérité de l'écriture. Il va se plonger dans les discussions. Et sa foi ne fera aucun progrès. Mais pour que nous soyons des temples vivants, Il faut que la vérité biblique soit apportée. Et n'a dit que les Bibliens y a obéliwe. C'est ça le but du ministère. Il faut vous dire y a maudouma. Voilà pourquoi Dieu donne des dons aux hommes. Ni sababu ya ile Mungu analeta mazawadi kwa watu. Voilà pourquoi la parole de Dieu est apportée. Ni sababu ya ile neno la Mungu na ubiriwa. C'est pour que tu sois, pour que je sois, pour que nous soyons une habitation de Dieu en esprit. Ni Dieu mie na we sisi wote tukuye makao ya Mungu katika roho. Dans Éphésiens au chapitre 2. Dans le verset 20, l'Écriture dit, c'est tout le verset 22, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant une pierre, la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice. Daniake makao yote bien coordonné yenye kupandwa mzuri s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Inalamuka kuwa hekalu takatifu katika Bwana. Nous reviendrons sur toutes ces choses ici. Tutarudia juu ya maneno haya yote. En lui Jésus. Katika yeye Yesu. En lui Jésus. Katika yeye Yesu. Bien en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Ndani yake pia nini mnajengewa mpate kuya makao ya Mungu katika roho. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas supporter que son église reçoive les mensonges. Ni kwa ajili ya ile Mungu aweze kuvumilie kanisa yake ipokee uongo. Dieu ne voudra pas qu'on prêche dans son église des mensonges. Mungu ataweza katake waubiri uongo katika kanisa lake. Sinon son peuple, ses enfants, taifa lake na watoto wake, ne seront jamais une habitation de Dieu en esprit. Hawatakuyaka kamwe makao ya Mungu katika roho. Dieu veut habiter en moi. Mungu anataka kukanda ndani mwangu. Dieu veut habiter en vous par le Saint-Esprit. Na Mungu anataka kukanda ndani yako kupitia Roho Mtakatifu. Et pour qu'il vienne habiter en nous. Na Dieu aye apate kukanda ndani yetu. Il faut que le ministère inabidi mahuduma apporte la vérité de l'Écriture. Ya ubiri ukweli ya maandiko. C'est ainsi que vous le verrez depuis l'Ancien Testament. Hivi mtaona tokea agano la kale. Dans l'Ancien Testament. Mwagano la kale. C'est dans la loi de Moïse. Ni katika torati ya Musa. C'est dans la loi de Dieu. Torati ya Mungu. Que la volonté divine était révélée. Ambayo Mungu akafunua mapenzi yake. Pourquoi Dieu avait révélé sa volonté à Israël? Kwa nini Mungu alifunulia Israeli mapenzi yake na Musa? C'était pour qu'elle soit enseignée. Ni njui ya mapenzi yake afundishiwe. Si Dieu avait révélé sa volonté à la montagne à Moïse, ikiwa Mungu alifunulia Musa mapenzi yake kwa mlima, Dieu voulait que cette révélation de sa volonté, Mungu alitaka ufunua mapenzi yake. Dieu voulait que sa loi, Mungu alitaka sheria yake, soit enseignée à Israël, yafundishiwe kwa Israeli, ainsi qu'à tout étranger, na kwa mgeni wote, qui séjournait parmi les enfants d'Israël, pour recevoir la bénédiction divine. Ili apate kubarikiwa na Mungu. Dieu n'a pas envoyé Moïse, n'a pas appelé Moïse à la montagne. Mungu akuitaka Musa kumulima. Il a pas donné la loi pour rien. Akumuletea bule sheria hii. Il voulait que sa volonté soit enseignée à Israël. Mungu alitaka mapenzi yake liwe kwa Israël. Et à tout étranger qui séjournait avec les enfants d'Israël. Hata kwa mgeni wote alikuwa anakaa kati ya watoto wa Israël. Il devait connaître la volonté de Dieu révélée et s'y conformer. Na huyu mgeni alibidi akafahamu mapenzi ya Mungu. Il en est de même sœurs. La parole de Dieu est à portée. Premièrement, pour les élus, les enfants de Dieu. Pour qu'ils reçoivent la connaissance de la volonté de Dieu. Qui la vive. Qui la mette en pratique. Pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et pour tout étranger. Même qui veut communier avec l'épouse, qui veut communier avec l'église de Dieu vivant, qui veut être membre d'une congrégation, bien qu'il n'a pas encore expérimenté le salut, il est obligé de se soumettre à la volonté de Dieu révélée. Quelqu'un dans l'église ne peut pas dire la parole de Dieu est apportée pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit et de nouveau. Moi je ne peux pas encore l'obéir. J'attends jusqu'à ce que je deviendrai aussi fils de Dieu. Non, bien aimé frère, quand nous prêchons la parole dans l'église, nous la portons pour les élus, pour les enfants de Dieu. Les faits seulement d'être dans l'église, de vouloir marcher avec nous, prouve que vous voulez être un fils de Dieu. Et la volonté de Dieu vous doit être révélée. Vous devez la connaître pour y marcher correctement. Oui, bien aimé frères et sœurs. Lorsque nous prenons Exode au chapitre 24, regardez ce que Dieu dit, fait avec Israël, avec Moïse. Exode 24:12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là, et je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. La parole Dieu que nous trouvons dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament a été consigné dans les pages de la Bible, c'est pour notre instruction, comme Dieu l'avait fait avec Israël, comme Dieu l'avait fait avec Moïse. Il dit, viens Moïse, monte à la montagne et reste là jusqu'à ce que les tables de pierre vous seront données, sur lesquelles ma loi, mes ordonnances, mes commandements que j'ai écrites là-dessus les seront enseignés comme leur instruction. Oui, bien aimé frère, dans Deutéronome au chapitre 31, et la parole de Dieu ne devrait souffrir d'aucun dommage. Deutéronome 31 verset 12, nous lisons: tu rassembleras les peuples, les hommes, les femmes, les enfants et les étrangers qui sera dans tes portes. Utakusanya wanaume wanawake watoto na wageni wanaokuja miji yako. Ah, dans tes portes. Na milango yako. Afin qu'ils entendent, qu'ils t'entendent. Ili wakusikilize. Et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu. Na wafunde kuogopa wabilele Mungu wenu. À observer et à mettre en pratique cette loi. Après que Dieu ait donné la loi à Moïse, Dieu dit à Moïse, va rassembler maintenant Israël. Va rassembler mon peuple, les hommes, les femmes, les enfants, ainsi que l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'il entende, qu'il t'entende, afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, et à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Pourquoi Dieu a fait cela avec Moïse et avec Israël? C'était pour éviter tout débordement dans la marche d'Israël. C'était pour éviter que la colère de Dieu s'abatte sur son peuple. Oui, bien mes frères. Et pour éviter que la colère de Dieu s'abatte sur le peuple, pour éviter tout débordement dans la conduite des enfants d'Israël, le peuple de Dieu devait être enseigné correctement. Oui, bien aimés frères. Oui, bien aimés sœurs. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les fils de Dieu doivent connaître la volonté de Dieu à travers les enseignements vrais et corrects. C'est ainsi qu'aujourd'hui, tous les véritables chrétiens, doivent connaître la volonté de Dieu à travers les enseignements bibliques vrais et corrects. Oui, bien-aimé frère. Comme cela s'était passé dans l'église primitive. Parce qu'elle est la colonne et l'appui de la vérité. Ce n'est pas pour rien lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres. Dans son verset chapitre 2. Dans son verset 41 à 43, il est dit clairement: ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 ans. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient demeuraient dans l'enseignement des apôtres. Un enseignement biblique. Un enseignement vrai et correct. Un enseignement, l'enseignement des apôtres, dans lequel nous trouvons l'interprétation correcte des Écritures, qui dévoile la volonté de Dieu à son peuple. Oui, bien-aimés frères et sœurs, c'est ainsi que nous serons des temples, des temples vivants, des habitations divines, lorsque la parole de Dieu sera reçue par nous, après l'avoir entendu, des hommes de Dieu qui la portent correctement. C'est pourquoi vous verrez dans tout le message de Fobanam, il n'a jamais cessé de retourner les gens à la Bible. Et il n'a jamais cessé d'insister pour dire: tout enseignement qui n'est pas conforme à la Bible est fausse. Peu importe quiconque la porte, qu'il soit lui-même ou qui qu'il soit, vous voyez, la vérité de la Bible se retrouve dans les Saintes Écritures. Et cette vérité qui se trouve dans les Saintes Écritures est correctement interprétée par le Saint-Esprit à travers le ministère mtu mwenyewe ajiletea mfalme. De donner ses interprétations à la parole de Dieu. Non. Tout le monde a le devoir de se soumettre à l'interprétation que Dieu donne à ses serviteurs les prophètes. C'est la seule interprétation des Écritures qui est conforme à la volonté de Dieu. Si j'ai parlé aujourd'hui d'une manière opposée à l'Écriture, d'une manière opposée au message du temps de la fin, mes enseignements seront faux et ne peuvent pas produire la vie. Cela conduira à l'égarement. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, vous devez écouter correctement la parole de Dieu. Vous devez avoir un cœur fixé sur la Bible, sur le message du temps de la fin. Nous devons pas croire des choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu nous a révélé dans ces derniers temps. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Dans 2 Timothée au chapitre 2. Au chapitre 2, ce n'est pas pour rien que Paul enseigne à Timothée. 2 Timothée chapitre 2. Verset 15, nous lisons ceci. Commençons dans le verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui l'écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Voilà ce que Paul disait à Timothée. Évite les discours vains. Évite les prédications vaines. Évite les enseignements vains. Évite les choses qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu. Évite les choses que moi, Paul, ne t'ai pas enseigné. Évite les disputes de mots. Les disputes de mots ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Oui, bien-aimés frères. Oui, bien-aimés sœurs. Les disputes de mots, les discussions sur la parole de Dieu n'avancent pas l'œuvre de Dieu. Les discussions détruisent l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu se fait dans la paix, dans la vérité, dans l'harmonie, sous la conduite de l'esprit de vérité. Car une prédication, car un enseignement commence à susciter des discussions, c'est une preuve suffisante que Dieu n'était pas derrière cet enseignement. Cela n'avance pas l'œuvre de Dieu. Cela ruine l'œuvre de Dieu. Cela décourage les croyants. Oui, bien aimé frère. La parole de Dieu doit encourager les croyants. Avancez spirituellement parlant avec le Seigneur. Vous faites des bonnes expériences avec le Seigneur. La parole de Dieu doit encourager les croyants à vivre dans la piété. kakamisha ba ministre ba shikati. Quand les discussions s'élèvent dans une assemblée, à cause de l'enseignement qui a été donné, quel sera le produit de ces discussions? C'est l'impiété. C'est la vie des hommes. C'est le diable qui entre en scène. C'est la vengeance. La calomnie. La médisance. De la haine. Vous voyez. Et la haine. Les discussions. Les calomnies. Les mauvais sentiments. Ne peuvent pas avancer l'œuvre de Dieu dans la justice. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes soeurs. C'est pourquoi Paul disait à Timothée, attention, efforce-toi, fais tout ce qui est à votre portée, comme un homme de Dieu, de ne prêcher que ce qui est la vérité. Et lorsque tu seras devant le Seigneur, tu ne seras pas confus. Oui bien mes frères. Oui bien mes soeurs. Nous devons prêcher la vérité. Nous devons recevoir la vérité. Et nous devons marcher dans la vérité. Oui bien mes frères. Comme je le disais tantôt ici. Et toute la vérité. Et rien que la vérité doit être apportée. C'est vrai. Si la vraie parole est apportée dans une assemblée et que celle-ci attriste les conducteurs et que celle-ci attriste les fidèles de cette assemblée, cela signifie que ces gens ont des faux cœurs et ils ne sont pas en ordre avec Dieu. Quand la vraie parole est apportée, tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu doit se réjouir. Mais lorsque les gens s'attristent lorsque la vérité est apportée, c'est un signe réfutable. C'est un signe irréfutable que ces gens sont faux dans leur cœur. Oui, bien mes frères. Oui, bien mes soeurs. La vérité de l'évangile réjouit les cœurs. David disait ceci. Lisons peu cette écriture. Dans Psaume 119. Écoutez ce que cet homme de Dieu dit. Quand la parole de Dieu est apportée, ça fait la joie dans le cœur d'un fils de Dieu. Ça fait la joie dans le cœur d'une fille de Dieu. Tous les véritables hommes de Dieu se réjouissent. Mais quand la vérité les attristent, c'est eux qui sont faux. Au verset 103, que tes paroles sont douces à mon palais. Maneno yako ni utamu kwa ulimi yangu, plus que le miel à ma bouche. Kuliko tasali mfinyo yangu. Au verset 161. Miamo ya makumi sita na moja ya Zaburi miamo ya makumi na kenda. Mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Moyo wangu na kwa tetemeka paka tu maneno yako. Je me réjouis de ta parole comme quelqu'un, comme celui qui trouve un grand butin. J'ai et je déteste les mensonges, j'aime ta loi. J'aime ta loi. La parole de Dieu réjouit le cœur d'un croyant. Mais les mensonges la tristent. C'est pourquoi un homme de Dieu déteste les mensonges. Le mensonge est toute parole apportée qui n'est pas conforme à la Bible. Bibiya. Les mensonges Uongo. Et toute pensée qui est inspirée par le diable, par l'écriture. Na shema, na mumandiko. Voyez, unaona? Le diable peut prendre une écriture qui l'interprète mal à sa manière. Vibaya, cela est un mensonge. Na pa uongo. Cela engendre la mort. Na italeta lufu. Cela ne peut pas amener la vie. Cela ne peut pas faire de toi. Un véritable chrétien, une habitation de Dieu. Ya Mungu. Non bien aimé frère, Apana. Non bien aimé sœur. Apana dad. C'est pour cela. Kwa ajili ya ile, les prédicateurs Baobi. Sont engagés Bo, à dire la vérité à l'Église du Dieu vivant. Ya Mungu et le peuple de Dieu sont dans l'obligation de ne recevoir que la vérité apportée selon l'écriture. Ils doivent se réjouir lorsque la vérité est exposée. Oui, bien aimé frère. Mais le constat aujourd'hui est amen. Pour la plupart, le conseil est amen. Aujourd'hui, la vérité de l'écriture, de l'évangile est altérée. Et c'est la scène de la confusion. Ceux qui devaient apporter la vérité au peuple de Dieu. Les prédicateurs, les pasteurs. Nous trouvons parmi eux les autres qui sont attachés au matériel. Les autres à des honneurs. Les autres à l'argent. Bien qu'ils puissent proclamer qu'ils sont délivrés de ces choses. Bien qu'ils proclament dans leur bouche, qu'ils sont délivrés de toutes choses charnelles. Mais la plupart des prédicateurs et des pasteurs qui sont encore attachés au matériel, aux honneurs et à l'argent, ne supportent pas les conseils de Dieu pour leur progrès spirituel. La plupart ne sont pas honnêtes. Ce que Paul dit dans Philippiens au chapitre 1 au verset 15 est vrai. Il y a beaucoup de prédicateurs et de pasteurs qui ne sont pas purs dans leur cœur. Ils ont un peu cette écriture. Qui ne prêchent pas avec la pureté de cœur. C'est ce qui dérange le royaume de Dieu. Ce sont ces choses qui ne font pas avancer le royaume. Dans Philippiens au chapitre 2, chapitre 1, dans son verset 15, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par un esprit de dispute. Vous voyez, mais d'autres le prêchent avec des dispositions de bienveillance. Verset 17. Tandis que cela animé d'un esprit de dispute, annonce Christ dans des intentions qui ne sont pas pures. C'est ça qui embrouille le peuple de Dieu. C'est la chose qui doit être éliminée dans notre marche. Si vous êtes appelé à prêcher, Vous êtes appelé à le faire. On a dit au foyer. Avec de bonnes dispositions. Oubili kazi yako na manyanzuri. Avec des dispositions bienveillantes. On ne prêche pas la parole de Dieu avec un esprit de dispute. On ne prêche pas la parole de Dieu avec d'autres intentions que d'édifier le peuple de Dieu et d'amener Dieu dans le cœur des gens. Tout enseignement, toute prédication, toute exhortation qui est apportée dans l'église avec autre mobile que l'édification et amener la vie de Dieu dans les gens engendre seulement le chaos et n'avance pas l'œuvre de Dieu. Et pourtant, Dieu veut que son église marche dans la paix et dans l'harmonie. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Si dans une église, il n'y a que des disputes, il n'y a pas de place pour Christ. Christo, ana mona fazi. Et Dieu ne peut pas y faire son travail. Na munga weza katumike na ile kanisa. Si ton cœur est plein de doutes, kama moyo wako na jana mashaka, comment tu peux y demeurer? Munga takamo namna gani? Si dans une église, ikiwa mkanisa, les gens se bagarrent, ils se disputent, comment Dieu peut habiter dans cette église là et y accomplir son œuvre? C'est pourquoi Fobana me disait, quand il a enseigné sur l'ordre, il disait ceci: ce qui fait réellement une église, une bonne église, ce n'est pas son bâtiment. Ce n'est pas le nombre de croyants. Non, bien-aimé frère. Ce n'est pas la qualité des membres qui entrent. Mais c'est la qualité de l'esprit qui agit parmi ses membres, qui fait de cette église-là Dieu t'a fait kanisa ile, une bonne église. Kanisa avoir une bonne église, kanisa mzuri, ce n'est pas avoir de bons instruments. Na vyombo vya nzenge vya vizuri. Ce n'est pas avoir un bon bâtiment. Kuyenga kinyumba kizuri. Ce n'est ni l'instruction du pasteur. Aina ta kufunza kwa mchungaji. Non, bien-aimé frère. Hapana. Ce n'est ni le dignitaire qui entre. Aina buingi ya baheshima wanaingia mwenye kanisa. Ou les hommes d'affaires qui affluent. Au buingi ya bafanya biashara ni kanisa. Beaucoup d'argent qu'on peut rencontrer, on peut retrouver dans cette église. Au kanisa ile njoo inakuwa na franga mingi. Ce n'est ni les beaux chants. Aina ta mazimbo nzuri kanisa taweza kuimba. Ce n'est ni les dons qui opèrent. C'est la qualité de l'Esprit de Dieu qui opère dans ce tabernacle et le caractère qui règne dans ses membres par un enseignement biblique véridique qui fait d'une église une bonne église. C'est ainsi comme Dieu est la source de tout ce qui est juste et pur. Dieu qui est la source de tout ce qui est vrai, ce qui est juste, ne peut jamais lui aussi être vrai dans une église, dans une famille, dans où règne le désordre de la confusion. Non, bien aimé frère. Au contraire, il ne peut être vrai que dans une église où règne la paix. Vous voyez bien, mes frères, dans une église l'église Mukanisa, où la vérité de l'évangile est prêchée et la vérité de l'évangile est écrite par ses membres, ce qui amène la bonne qualité de l'esprit dans l'église, ce sont les enseignements vrais qui sont apportés, ce qui amène un bon caractère parmi les membres d'une église, c'est lorsque ces hommes et ces femmes ont expérimenté la vraie parole dans leur vie, la vraie parole et le vrai Saint-Esprit engendre un bon caractère dans les croyants. Vous voyez bien, mes frères, si la vraie parole est apportée et qu'elle rencontre des faux esprits et des faux cœurs dans l'église, ça ne peut pas marcher. Si les cœurs sont vrais, mais la semence qui est semée est fausse, le caractère et l'esprit de Christ, la vie à la vie à Christ ne peut pas être dans cet amène. Vous voyez bien, mes frères, la qualité de la parole, la qualité de l'esprit qui opère dans un tabernacle et le caractère des membres de cette église là, voilà ce qui forme un bon tabernacle, voilà ce qui forme une bonne église. Oui, bien mes frères, et pour atteindre ces résultats, il faut les enseignements bibliques. Il faut que les enseignements vrais, bibliques, corrects, soient apportés pour amener Christ dans le cœur des gens. Que Dieu vous bénisse pour ce soir.